Défibrillateur. Passe. Trop tard, son cœur s'est arrêté. Défibrillateur. Passe. Trop tard, son cœur s'est arrêté. Parfois, on aimerait pouvoir changer de planète. Allô, docteur, mon mari délire, écoutez. Quoi, je suis fou? le matin, tout va bien. Quand je dis que Tutti va bene, Tutti va bene. En tout cas, la meilleure des musiques avec les gens les plus sympatoches de la planète Hoche. Plus tu écoutes Galaxy, moins tu deviens moche. On vous parle de plein de bonnes choses avec justement les drôles de dames qui vous invitent au réveillon de la Saint-Sylvestre. Les drôles de dames, le groupe Initiative Mousseri, le gym qui vous attend évidemment à l'occasion d'un repas de fête de fin d'année. Inscription au 03 20 28 45 90 ou directement au centre social rue Frédéric Chopin à Ouattrelo. On vous parle de l'opération Un enfant, un jouet, un sourire en compagnie de la Croix-Rouge qui poursuit son opération jusqu'au 31 décembre. Évidemment, vous avez l'occasion d'aller déposer des jouets 03 20 83 57 deux fois pour aller faire un petit tour là-bas. C'est le 03 20 02 80 72. Bienvenue, vous écoutez Galaxy, c'est le matin, tout va bien. Quand je dis que Tutti va bene, on vous parle de plein de bonnes choses, notamment avec l'exposition Les déserts racontent la Terre, jusqu'au 2 mars 2008 au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Un voyage aux confins des terres arides, qu'elles soient de sable, de roche ou de glace, évidemment, pour tout public, à voir donc jusqu'au 2 mars 2008. Pour tout renseignement, 03 20 19 36 36, 03 20 19 36 36, ou alors Forum départemental des sciences.fr. Dans les médias, vous partez du côté du standard de Galaxy pour gagner l'entrée de votre choix. 03 20 83 57 deux fois. Bonne chance. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences. T'appuies sur bis et tu niques la touche. We'll be right back.

trop dur, vraiment trop dur. Ça n'est pas mal non plus. Comment? Oui. Il a pris ton âme. Il aura ta femme. s'appelle Chantelle avec Bucco Village. Et c'est, nous on aime bien, hein. On aime beaucoup, ça nous rappelle la chaleur. C'est Fettering, Chantelle. Ayano est magnifique. Ça nous rappelle les rayons de soleil que l'on attend durant l'été. En tout cas, Glagla dehors, couvrez-vous bien puisque dehors il fait froid. Je vous promets, ce n'est pas à cause de moi. En tout cas, juste après le top, évidemment, vous partez du côté du standard pour la bûche, l'escape, le pulse, technique, le zoo. Et c'est tout de suite. Galaxy, out of time, out of time. Il y a 10 siècles, vivait un homme d'honneur et une créature de légende. Oui. C'est le plus grand tueur de dragons du monde. De mes yeux, je l'ai vu mettre en bouillie pas loin de 2 dragons. Ça faisait longtemps que j'espérais un beau combat. J'ai juré de faire disparaître tous les dragons. Et lorsque les forces du mal se déchaînèrent, ils comprirent qu'il n'y a pas d'honneur sans risque. Priorité à la nouveauté. Nouveauté. Christmas on Galaxy. ça fait... We'll be right back. We'll be right back. Bienvenue, vous écoutez Galaxy, c'est le matin, tout va bien. On vous parle tout de suite de l'exposition Passage du Temps à découvrir actuellement jusqu'au 1er janvier au Tripostal de Lille à travers une formidable traversée des grandes œuvres des années 70. Retrouvez les vidéos, photographies, sculptures de 39 artistes, évidemment. Pour tout renseignement, lille3000.com ou 03 59 57 94 00. Et on vous parle également tiens, de la visite du Père Noël le dimanche 23 décembre, évidemment, à 10h30. Venez nombreux, petits et grands, avec vos lettres, dessins, des cadeaux et des bonbons vous seront remis. Plus d'infos 03 20 75 85 86. On vous parle également du centre socio-éducatif de Waterloo qui ouvre ses portes. Journée porte ouverte, allez faire un petit tour là-bas, c'est terrible. On vous parle également d'exposition jusqu'au 10 janvier par l'association des recherches historiques de Waterloo. Les mouvements ouvriers du textile du 19e au 20e siècle. L'entrée est libre pour tout renseignement 03 20 81 59 50. Vous désirez faire un petit tour du côté des clubs, c'est facile, vous nous appelez au 03 20 83 57 deux fois, bonne chance. Galaxy. Music for happy people. Maintenant, jouons au 20 83 57 57 au 20 83 57 57. Et vous foutez le bordel après le bip sonore. Mancini sur Galaxy. makes me feel that you're still here with me. It makes me feel alright, just you and me tonight and your love. I've got this dream, it's deep inside of me. It makes me feel that you're still here with me. It makes me feel right, just you and me tonight. And we love, love. Avec le titre We Love, ne changez rien, vous êtes sur les bonnes ondes, vous êtes calé sur Galaxy 95.30. C'est Pascal Mancini pour vous accompagner jusqu'à midi. On est ensemble pour Party After, avant-dernière émission de cette année 2007. After, c'est Pascal Mancini sur Galaxy. Christmas on Galaxy. Les meilleurs de la scène électronique à l'instant avec Genesis, la version 2007. Voici tout de suite Joseph Cabriati avec le titre Oasis. Partie After, c'est Pascal Mancini sur Galaxy. Naturellement, des dernières nouveautés du moment. Joseph Cabriati à l'instant avec le titre Oasis. Galaxy vous donne l'heure, il est pile poil 10h. Christmas on Galaxy. Joyeux Noël.